prends le train pour Saint-Adèle. Il y avait un homme qui voulait débarquer. Et allez donc débarquer. Quand il fait 50 000 à l'heure, et qu'appelez-vous cette conducteur? Wow, wow, wow, les matins, wow, les matins, wow! Dans le train pour Saint-Adèle. Il y avait rien qu'un passager. C'était encore Urbain Vanos. Urbain Vanos, le roi de Montréal. Chou, chou, chou, chou. C'est le blues de la fête, c'est Urbain. On arrive à Kamler. C'est le blues de la the dope news. Call in the muse for cash to shoot. Yeah. Call in the dope news. Call in the muse for cash to shoot. Malheur de Sacré-Cœur, chante avec moi en attendant. Rentrée 2013-2014! Oh! Ouais. En fait, je suis pas très fier d'être en Mongol, là, mais on n'avait pas trop de... Non. On revient de l'avion. Oh non, on revient d'un avion détourné par Rita Biblo qui s'est dit « Ah, oh, moi, je suis pas capable. Moi, les voyages organisés, là, ça me rappelle mon mariage que je fais organiser. » On m'a dit, on va m'enlever de la dinde. Au bout du compte, c'était moi la dinde. La farce, c'était mon mari. Ah oui, moi, je m'en souviens de la blague que j'ai dit à ma femme. Je lui ai dit, hey, ma femme. Ouais, alors, raconte-la pas. Oh oui, va raconter. Non, c'est pas le temps, non. C'est... Vous allez tout manquer, l'émission, depuis le début. Ben, on n'a rien manqué. Il y avait le générique. Il y avait la musique. Puis ça va bien moins. Il y avait... Non, c'est des sécrétions. ça va bien? Ah, moi, regarde-moi, les grandes, les tapis rouges, pas pour moi, là. J'étais à quatre pattes, j'avais perdu mon œil cellulaire. Non, c'est pas un œil cellulaire, mais voyons d'autres, oui. J'ai payé ça 350$. Ils m'ont dit que c'était un œil cellulaire. Mais non! C'est des lentilles! Des lentilles. Moi, j'en mange pas de lentilles. En surtout vinaigrées, là, ça me donne des brûlements d'estomac. Puis, je suis obligé de prendre deux, trois vignerons. Vignerons? Ouais, deux, trois vignerons. Ben, c'est. Vous mêlez les patates. Non, je mêle pas les patates, moi. Moi, il y a les patates pilées. Il y a les patates rondes. Les patates cuites dans le four. Hey, c'est rendu, madame, mademoiselle, qu'on les fait réchauffer dans le micro-ondes. La première fois qu'on m'a offert ça, c'était ma patronne. Donc, je pouvais pas dire c'est dégueulasse. Donc, j'ai dit, oh, c'est curieux, hein. Déjà, hein, vous voyez, tout est dans le discours. Au lieu de dire, c'est curieux, hein. Déjà là, tu crées l'interrogation de la personne qui va foutre ça dans le micro-ondes. Elle a dit, oh non, ben non, ben non, ben non. J'ai jamais entendu parler de ça. Moi, une patate dans le micro-ondes, c'est. Déjà là, c'est assez curieux, cet instrument-là. Là. C'est comme le velcro, là. Ça colle, puis j'ai déjà fait coller de l'eau là-dedans. Ben voyons, dans de l'eau. Ah oui, dans le velcro. Non, non, on parle du micro-ondes. OK, la patate dans le micro-ondes, oui. Et sur là, ma patronne, elle dit, on va te mettre ça là-dedans. Oh, mon Dieu, qu'est-ce que tu veux mettre, là, les deux patates? Les deux grosses patates. Bon, mais écoute, moi, je te dirais que tes employés, tes derniers employés, ça vaut pas de la... Non, c'est vraiment... c'est ça. Place ça dans le... Non, non, c'est pas assez gigantesque, ce micro-ondes-là, c'est un petit micro-ondes familial. On peut même pas rentrer deux enfants là-dedans puis faire chécher. Hey, tu fais chécher tes enfants dans le micro-ondes? Ah, ben oui, moi, tu mets ça à 6. Ça tourne, c'est pivotant. Tu vois, je fais. C'est tout à fait. Mais c'est pas un micro-ondes, ça, c'est un séchoir. Ah oui, mais c'est mon mari qui l'a ajusté. Il m'a fait croire que c'est un micro-ondes. Hein. Moi, regarde-moi ça. Regarde-moi la touffe. Oh mon Dieu. On dirait Shirley Theroux. Oh, Shirley Theroux. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Ouais, tu parais tout à fait ignorant. Oh, mais moi, j'aime ça, être imbécile. Ça me rassure, parce que tous les génies ne le sont pas, puis ils manquent d'humour. Si vous manquez d'humour, M. Tribodeau, non, c'est Trimolo, Trémolo. Trimolo si, Trimolo là, Trimolo bidi bidi bidi bidi ba. Qu'est-ce qui se passe? Là, tu t'énerves, là. Le tapis vient d'être déroulé. C'est comme à Cannes. C'est comme à Cannes. Sauf que là, on a ouvert 3-4 cacanes. On n'a pas de budget, mais on aime ça, hein? Les cacanes, T'es-tu malade, toi? Non, non, mais j'appelle la cacane. Ben, elle s'ouvre pas tout seul. C'est l'humain qui doit l'utiliser à son escient. Nessian. Je l'ai pas invité, lui. Vas-tu pouvoir... Non, non, Nessian. Et ça... C'est tout à fait manqué, comme d'habitude. On t'arrête ça. Non, on peut pas arrêter. Le tapis est déroulé. Ah, mon Dieu, arrête. Gaétan va le fumer. Elle, là, ça fait deux semaines qu'elle a arrêté. Puis, ah, sur le gros nargue, moi, ça, elle tremble. Là, as-tu vu son front? Ah, oui, elle suinte, comme le Saint-Esprit. Je l'ai amené à l'église devant M. le curé. Je lui ai dit, gardez-moi ça. C'est démoniaque. Je vais marier ça, cette petite femme-là, là, c'était tout doux, tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. Puis là, regarde, c'est rude, rude, rude, rude, rude, rude, rude, rude, rude. Elle se rose tout ça. Ah, c'est tabou. Hein, c'est. Au début, c'est coquin. Après, c'est. Hey, qu'est-ce que c'est ça? Elle veut te surprendre, elle dire, oh, je veux réinventer notre amour. Je veux réinventer notre amour. Ouah, ouah, ouah, ouah. Ouah, ouah, ouah, ouah. Que tu le cherches où que tu sois. Ouais. Là, elle s'est mise à chanter de la chanson populaire, elle qui était très, très, très impopulaire envers ses sœurs. Elle avait trois sœurs qui faisaient la chorale. Mais comme elle n'avait pas de voix, heureusement qu'elle pouvait l'écraser. Non, on ne dit pas l'écraser, on dit monter par-dessus elle. Ben, pour moi, monter par-dessus elle, c'est écraser. Ben voyons donc. C'est pas très, très beau là, comme image, c'est vrai. C'est... Non, écoutez, au niveau musical, c'est une octave au-dessus et deux betteraves en dessous. Oh mon, ou la betterave vinaigrée. Ah, oh, moi, ça me met des... Oh non, j'ai des maux d'estomac, moi. Puis là, j'attends le prochain. Le prochain mot, oui. On va l'attendre. Mais là, ça peut prendre combien de temps? Ah, oh, on sait pas. Les mots vont monter, puis si ça monte pas, ben ça descendra. Ouais, mais là... On va boire un verre de vinaigre. Oh, oh attendez. Oh, oh, oh, un sac. Non, il y a un mot qui va monter. Il y a un mot qui va monter. Attention! Allumer. Allumer. Allumer le feu. Allumer le feu. En pleine nuit, une sirène bleue. À peine au feu, tous les pompiers. Et tous les hommes qui se réveillent. Rio. Oui, on m'a invité au carnaval. C'est pas comme chez nous. Chez nous, c'est à mitoufler, puis hein, il fait moins 40, tout le monde est gelé. À Rio, quand même, il fait plus 40, puis tout le monde est gelé quand même. Hein? C'est pas carnaval, mon ticot. Non, non, c'est... En pleine nuit, une sirène. Et puis là, le feu arrive, puis là, c'est un peu comme à Boston, là, dans la chanson « La Boston ». Lullaby, là. Non, non, non, non, lullaby. Non, c'est pas celle-là. On sait même plus, c'est quoi. Ah! Monsieur le Président. Monsieur le patron catholique. Mesdames les voluptés. Et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rinaldienne. Une énorme errance, là, ce soir, devant vos oreilles, attentives. Attentive, regarde-moi la belle-sœur qui est en train de pleurer, là, c'est pas, non, non. Non, on pleurniche après, on se dit, c'est tout à fait raté, mais là, présentement, on prie, on prend comment t'appelles ça, les boules, là, la pétanque, non, c'est pas pétanque, c'est, voyons... Papatang, non, apeting, apatang, non, c'est... voyons donc. J'en ai eu un quand j'étais servant de messe, là. Un joli coup. Pas un crucifix, voyons donc, j'avais quoi? J'avais un... Ces perles, là, je... on va l'étendre sur le... Ah, madame, on arrête ça, là. Voyons donc, c'est un chapelet! Un chapelet! Bienvenue à les douce émission, finement improvisée avec votre magicien du surréalisme, Reynald Le Néant Gagné. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs. Enfin, j'espère. On va en déchirer un coup, mais on va... Nous allons vaincre les mots! Comment vaincre les mots, mes amis? Lorsque le soir venu, le noir aidant, ça c'est noir foncé ou noir pâle, mais non, le noir aidant, c'est quand il fait noir, ça nous amène à, ok, le noir aidant, au recueillement, à la recherche de l'être qui nous enferme à travers un sentier tout à fait singulier. C'est le génie qui parle. Non. Génie, c'est toi. L'absurde aventure de l'errance. C'est toi qui, c'est toi? C'est toi qui? Il n'y en a pas, on n'a pas terminé. Le 20 septembre, on voulait avoir un toit. On va passer l'hiver sous la neige. On va pelleter. On est prêt. Les feuilles tombent tranquillement, là. La semaine prochaine, je vais m'envahir, là. Tu vas t'envahir, ben oui. La neige risque de m'emporter. Et monsieur, déjà en septembre? Ah oui, Gilbert le disait, hein. C'est en septembre que les amis vont chercher leur palmier. et les sapins lentement s'étilleront. C'est en septembre qu'on lèche notre torchon. Ah, mon Dieu. Ça me rappelle mon ancienne femme. Alors, nous marcherons ensemble. Torchon, ben oui, tous les torchons trouvent leur guenille, guenille. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant langagier, Rénal de Gagné, c'est moi ça, malheureusement. Aujourd'hui, quoi que, malheureusement, M. Tremblay, soyez pas aussi négatif dans votre recherche devant autant de rien du tout. D'autres, le rien du tout nous illumine, hein? Puis, ouais, des fois. Non, non, mais c'est vrai, hein, Mme Tremblay, on cherche... Pardon? Ah oh, oui, des fois. Est-ce que ça nous illumine, Mme... Allô? Oui, des fois. Bon. Vous niez pas ça, là? Oui, des fois. Bon. On a des bonnes émissions, c'était à Errance Rénaldienne. Oui, des fois. Ce soir, ça pourrait être la meilleure, hein? Oui, des fois. Comment ça, des fois? Moi, j'ai mal, hein? Oui, des fois. Des fois, j'ai mal à mon animal. Au-delà de l'eau de là. Là, moi, quand je suis revenu de Montgolfière, parce qu'on m'a dit, là, il faut que tu montes, toi, là, là. Avec la grosse bulle de CKRL, faut que le public te voie descendre. Qui? Estivant, va-t'en, va-t'en. Monte. Ben oui, mais là, monte. Je peux pas aller plus haut que le ciel. Puis le ciel, c'est déjà très haut. Puis après ça, il y a les nuages. Pas non plus arriver au-dessus de l'avion qui s'en va vers l'Europe avec des dignitaires, des réfractaires devant la francophonie, quelques hurluberlus qui se grattent le quoi? L'humilité parce qu'ils sont députés. Plus qu'ils sont députés, moins ils sont réputés à être cohérents devant leur vision de la vie. Quoique, la vie, c'est fait de tout, c'est fait de rien. C'est la chanson du quotidien. C'est un sourire ou une larme. La vie, c'est un combat que j'ai mené ici. Mes auditeurs veulent me pardonner. C'est le moment d'émotion, ça, là. Il faut tirer le mouchoir. Notre émission est... commandité par Mouchoir Éponge Tout. Mouchoir Éponge Tout, celui qui arrive tout près de l'émotion, jamais devant la création. Ah non, c'est vrai. As-tu déjà vu un créateur prendre un papier mouchoir et se l'éponger avant de pleurer? Quoique, moi, je me mets des gouttelettes dans les yeux parce que ça scintille pas assez. Moi. Mon oculiste. Oculiste, c'est comme qui? Ouais, c'est Joanne. Elle m'a dit, toi, t'as un problème de pétillement des paupières. Ah, toi, c'est pas clair. Non, mais tu as les paupières qui ne sont pas claires. Ça tape pas assez vite. Ça cligne pas assez. T'es laisses ouvert trop longtemps. T'oublies d'y refermer. Ben là, regarde, donc, il faudrait que ça soit mon cerveau qui me dise, tu fermes, tu ouvres. Ben là, c'est comme ta bouche, tu devrais la fermer. Mais là, pas d'émission, là, si je me la ferme. Ben, ce serait peut-être meilleur. Hey, toi, là. Si on commande un spaghetti, surtout un spaghetti bout de Bologne, on s'attend-tu à avoir de la boulette? Ben oui. Alors, à Errance Rénaldienne, on veut de la rosette. Boulette, Josette, pas de boulette, pas de Josette. Alors, bonne agnèse, boulette. Errance Rénaldienne, Josette. Eh, monsieur, on sait quoi, le sien, c'est le lien. Le lien du sien. Le sien, à lui, là, c'est de discuter, de narrer, d'amener des idéologies absurdes, parce que c'est le but, hein. Soyons. Décrochons-nous de cette réalité qui nous... endort, ou qui nous tient malheureusement dans un créneau tout à fait, c'est tout à fait ça, tout à fait arbitraire, en mode arbitraire, très. Oui, là, OK, j'haïs ça à cause des arbitres, j'en veux pas d'arbitre. Enlevez-moi ça, ces trois lignées, ces trois zèbres-là, puis remplacez-moi ça par trois hommes. Non, trois comédiens comédiennes de l'improvisation en patin. Alors ça, ça serait captivant. Là, imaginez-vous, là, il y aurait une bagarre, puis là, les protagonistes comédiens comédiennes pourraient nous argumenter ce qui se passe sur la glace. Là. Oh ben là, j'ai une discussion tout à fait arbitraire. Il n'y en a plus. Ben, il n'y a plus d'arbitre. OK. Et c'est une claque sur la gueule qui saigne, la dent qui tombe, et c'est maintenant un traitement de canal qui suivra dans quelques semaines. 3 500 $ de déficit dans cette bouche, la bouche qui ne se fermera pas avant qu'un coup de poing lui rentre dedans. Hé, monsieur, c'est violent, ça? Oui, mais c'est tout à fait extraordinaire, là. J'aime ça, le hockey, là, pendant ce temps-là. Pas l'arbitre qui fait... Pénalité. 2 minutes pour avoir frappé. Ah, c'est d'une insignifiance. Amenons des comédiens sur des arénas, sur des forums, sur des colisées qui pétilleront de joie. Les gens vont aller voir ça. Ce sera un guichet fermé à chaque soir. Là. Imaginez-vous le guichet fermé. Non, madame, c'est fermé. Ben oui, mais je vais avoir des billets. Ah non, c'est fermé, le guichet est fermé. Comment ça? Ben le gars radio a dit que le guichet était fermé. Ben non, il est ouvert, je vous parle. Ben oui. Moi, je suis ouvert, là, mais le guichet est fermé. Ben voyons là, vous êtes qui, vous? Ben je suis une guichetière. Une guichetière qui donne pas de guichet. Ben je donne pas de guichet, je donne des billets. Puis les billets, sont fermés. Ah, voyons donc. À double tour, les guichets, on peut pas, les guichets sont fermés, les billets sont fermés, il n'y a plus rien, puis on peut pas les arracher. Pourquoi? Ils ont mis des chaînes. C'est contingenté. Aujourd'hui, le vendredi 20 septembre 2013, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes. Les problèmes liés au boulot et aussi boulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref. Apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de l'artiste Emma la clown et le pseudonyme de la comédienne Mariem Menan. Elle est née le 22 août au Petit Kevili, dans la banlieue de Rouen. Mariem Menan se forme à l'école Jacques Lecoq à Paris et crée la compagnie La Vache Folle avec Guatano Lucido. En 1991, elle s'est rendue célèbre en France avec son one-man show Emma sous le divan. Une approche comico-scénique de la psychanalyse. Avant de monter, petit rossignol, avant de monter, faudrait rigoler. Montons la montée, La montée est mentale. Elle s'est rendue célèbre en France avec son one-man show Emma sous le divan. Une approche cosmico-scénique. Non, c'est comico. Comico-scénique. De la psychanalyse. Avant de monter sous son premier solo, elle assure les premières parties de la chanteuse Anne Sylvestre et du clown Buffo, Howard Button, avec des petites formes. Elle est intervenue en Afghanistan en collaboration avec l'association humanitaire Clowns sans frontières. Emma la clown tourne aussi régulièrement avec Catherine Dolto depuis 2005 avec un spectacle. Elle se démarque ainsi du clown de cirque pour son approche avec le théâtre, abordant des sujets considérés comme sérieux, la politique internationale, la psychanalyse, l'Afghanistan, Dieu et la science. Mariem Menan apporte sur les scènes francophones, au-delà de son personnage de clown, la vision d'une humoriste engagée. En juillet 2013, Errance Rénaldienne se trouvait là, à Paris, pour rencontrer cette sublime artiste. Un voyage chargé pour cette nuit estivale. Arrêtons-nous ici et contemplons la créatrice, la comédienne, la grande dame, clownesque, en avant, Madame Ringer. Si par hasard, sur le pont des âmes, tu croises le vent fripon, prudence, prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent maraud, prudent, prends garde à ton chapeau. Prudence, prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent marron, prudence, prends garde à ton chapeau. Les gens foutraient, les gens trouvent, mais disent du vent furibond qui rebrousse les bois, retrousse les toits, détrousse les robes. Des gens foutres et des gens pauvres, le vent, je vous en réponds, sans souci, et c'est justice, comme de Colin tampon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent fripon, hey, prudence, prends garde à ton jupon. Bien sûr, si l'on ne se fonde que sur ce qui saute aux yeux, le vent semble une brute, raffolant de nuire à tout le monde. Mais une attention profonde prouve que c'est chez les fâcheux qu'ils préfèrent choisir les victimes de ces petits jeux. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent leur fripon, prudence, prends garde à ton jupon. Si par hasard, au revoir, bonne journée. Un micro québécois. Ok. Ah oui, c'est bien fait ça. Ouais, ça a l'air de rien, mais c'est tout à fait intéressant. Yann Péchin, qui travaille pour qui travaillait pour Alain Bachon, qui travaille aujourd'hui avec Brigitte Fontaine, m'a dit qu'il allait se procurer ses micros. C'est-à-dire qu'en fait, tu enregistres avec ça? Oui. Ah oui, oui, oui. Ouais, ça a l'air de... Mais deux, t'en mets deux. Ouais, ben parce que moi je suis toujours on sait jamais. Le côté on sait jamais. Tu devrais mettre trois parce que c'est vraiment ouais, jamais. Ouais, c'est ça, au début c'était six, mais non, c'est pas vrai. Mais c'est pas loin. Ça, c'est l'insécurité. Hein. Non, mais c'est... écoute, tu viens de loin. Ouais, mais c'est pas juste ça. C'est que c'est des rencontres uniques. Donc, si c'est loupé, c'est loupé. Hein. Ben, on peut vraiment se revoir dans un an? Oui, mais là, non, c'est là. C'est là maintenant. Alors, ben, salut, il marche. Salut, ça marche? Ben oui, ça fonctionne. Ça marche très bien, oui. On est rendu à 36 secondes. Oui, une minute, oui. Ben, ça marchait déjà avant, alors. D'accord, bonjour. Bonjour. Mais là, c'est pas Emma que je rencontre. Non. C'est le personnage, c'est ce que tu fais sur scène. Tu es clown? Pour ton travail, c'est ça, tu es amuseur public, un clown? On peut dire ça comme ça, mais c'est pas qu'amuseur, c'est un petit peu, tout petit peu chouïa plus qu'amuseur. Ok, vas-y. Moi, je dirais amuseur, un petit peu penseur, un petit peu émouveur. Oui, oui, oui, c'est un mot voilà. Que tu as placé dans ton spectacle, émouveur. Ah bon? Oui. Le prochain? Je sais pas. Non, sur France Inter. Ah, peut-être. Tu as parlé, ou peut-être c'était sur France Culture, tu avais parlé de émouveur. Ah, c'est bien. Ben, déjà, j'étais inspirée alors. Ah, mais tu te souviens, il y a quelques mois? Ah, oui, peut-être. Ah oui, mais moi, la radio, j'adore ça parce que j'oublie en général ce que j'ai dit. Ah, parce que chaque fois que j'y retourne, c'est neuf. Oh, oui, parce que, en plus, tu parlais de tisane, t'es une fille bio. Oui. Mm-hmm. À bientôt. Et tu travailles sur... tu travailles beaucoup sur des thèmes, la mort. Mm-hmm. C'est ce que, actuellement, c'est ce que tu fais. Oui, la mort d'un côté, en solo, et puis l'amour de l'autre, avec Catherine Dolto, avec qui je fais des conférences. Donc, okay. Ce sera une conférence... scientifique et jubilatoire, encore une fois, avec Catherine. Mm-hmm. Ça. Mais comment Emma t'est arrivée au cours de ta vie? Comment elle s'est pointée dans ta vie? En fait, ça a commencé, je dirais pas directement par elle, mais disons par le plaisir de faire rire. Ça a commencé à 13 ans, dans mm-hmm. un collège au Mans, une ville un peu tristounette de France. Le Mans. Pourquoi tu tristounais? Bah parce que il est comme ça, j'y peux rien. Il pleut? Non, c'est pas beau. Non, il pleut, il se passe pas grand-chose, c'est mou. Pas. Ok, c'est voilà, mou. On okay. fait des rillettes, on fait de bonnes rillettes. Ok. Et en tout cas, peut-être que ça a changé, mais à l'époque, c'était un peu comme ça. Et en fait, en tout cas, je commence à prendre un petit peu des expressions québécoises. C'est mais bien entre ça? Parenthèses, ah, oui, oui, oui. Entre parenthèses, vas-y, entre oui. parenthèses, je suis allée voir Fred Pellerin hier. Ok. À la tête de l'atelier. Ok. Encore une fois, magnifique, sublime. Bravo. Ok. Mais toi, t'es passé à Québec, au Québec. Oui, je suis passée. Okay. Ça fait longtemps que je ne suis pas revenue. Très longtemps, messieurs, dames québécois. Est-ce que tu veux qu'on revienne on reviendra. Ou si on en parle? Non, mais je veux bien qu'on revienne. Ok, parfait. Okay. Je veux bien revenir. Ok, surtout. Vas-y. Okay. Et alors, donc, quand j'avais 13 ans, j'étais dans un collège. Et la professeure de français nous a dit, en début d'année, à la classe, elle nous a dit, vous vous mettez en groupe, vous choisissez un texte de théâtre, vous le montez entre midi et deux, vous travaillez, vous le montez entre midi et deux, puis au mois de juin, vous allez le présenter à la classe. Donc, on a fait ça, tout à fait, de manière tout à fait obéissante. Et moi, je me suis retrouvée dans un groupe qui avait monté un texte de Françoise Sagan, Le cheval évanoui, qui est un texte mélodramatique, enfin mélo et drôle en même temps, quoi, comme Sagan le sait faire. Et là, j'ai fait un personnage de jeune garçon, jeune adulte, qui était absolument amoureux d'une femme très moderne qui venait de la capitale. Et lui était maladroit, timide, un petit peu ridicule, voilà. Et ce qui fait quand on l'a présenté en fin d'année à la classe, eh bien, j'ai fait rire, parce que je ne m'attendais absolument pas à ça du tout, mais j'ai fait rire, quoi. Et ça a été énorme. C'est dans l'interprétation que tu as fait rire? Oui, je pense, parce que j'avais un pantalon trop court, j'avais une perruque, j'avais une manière d'être aussi, de jeu peut-être. Mais j'en sais rien, c'était voulu. Je ne me souviens pas que c'était voulu. Okay. Mais je me souviens que le résultat, en tout cas, la conséquence... Les gens riaient. C'est clair. C'était incroyable pour moi, c'était un choc thermique, épidermique, total, quoi. Okay. Bon, là, je me suis dit, bon... Là, exister, ça passe par là pour moi, quoi. Là, il y a quelque chose qui se passe. Oui, il y a quelque chose, et c'est vraiment le premier moment de ma vie où je me suis sentie exister pour de vrai. Enfin, vraiment, intégralement, totalement. Voilà, les cellules, elles étaient très contentes. OK. Voilà, et donc, la fille aussi. Le total, oui, elles font partie de moi. Donc. Oui, c'est ça. Elle s'est trouvée pas mal là-dedans aussi. Oui. Et en fait, ce qui fait qu'après, j'ai toujours voulu être comédienne tout le temps, pendant toute ma scolarité. Mais clown, c'est arrivé un peu après... disons qu'il y avait quand même un petit début là. Et après, j'ai fait l'école Lecoq à 20 ans. L'école Jacques Lecoq, une très bonne école. Ouais. Vraiment, super école. Et après l'école, j'ai commencé à jouer dans le métro parce que c'est une très bonne école, très chère. Très chère. Privé, tout à fait, oui. Enfin, maintenant, je pense qu'on peut avoir des aides publiques pour la faire, mais en tout cas, à l'époque, c'était très privé. Et ce qui fait que je suis sortie de l'école assez pauvre, mais formée. Mmh. Et avec un ami américain, on a joué dans le métro et on s'est déguisé en clown. On a joué de la musique, en fait, dans le métro. Juillet, août, parisien, en 90, j'ai joué dans le métro et on s'est habillé en clown et j'ai commencé comme ça, en fait. Après, il est reparti aux États-Unis, il a été remplacé par un ami italien avec qui j'ai fait un duo. Et Emma la clown est née là, il y a 22 ans exactement. Et un peu plus, peut-être même dans le ventre de ma mère, j'avais déjà des prémices. Des soubresauts. Des soubresauts, je me dis, oh là là, il va falloir assurer quand je vais sortir. C'est ça, il faut que je sois drôle. C'est ça, il faut que j'aille le nez rouge au départ. Il faut qu'il y ait quelque chose. Il faut que le nez soit prédominant. Ouais. Voilà, et depuis, ça fait 22 ans maintenant quand même. Ok. C'est un parcours, c'est la moitié de ma vie. J'ai 44 ans, donc c'est la moitié de ma vie. Oui. Et puis, comment tu l'as cajolé pour l'amener jusqu'à maintenant? Comment tu l'as fait évoluer parce qu'elle évolue? Ben oui, elle évolue, comme moi. Oui. Peut-être même, elle m'aide à évoluer, j'aide à évoluer aussi. Est-ce que tu connais ça, là? Bien sûr, okay. Je l'ai vu au Ranelagh, magnifique. OK, est-ce que tu peux te comparer un peu à ça, ou si lui, il y a un autre... Non, parce que lui, il est vraiment sur le langage. OK. Vraiment, sur l'absurde du langage, sur la poésie, les mots qu'il prend, qu'il... Il inverse les syllabes, et ça fait... Comme vous êtes tellement fort avec le langage au Québec, vous êtes magnifique avec ça. Nous, on est des petits, ça. Et toi, le clown joue autour de quoi, des idées des... Beaucoup sur la langue aussi, mais c'est pas aussi fondamental que pour, ouais. prédominant que pour Sol. Mais voilà. Je dirais sur sa vision du monde global, et ce soit avec le langage, soit avec avec les objets, avec le rapport au public, avec sa réflexion. C'est pas que sur le langage, mais ça compte beaucoup. C'est pour ça, d'ailleurs, que je tourne jamais dans les pays qui sont pas francophones, parce que je parle trop. Enfin, voilà. Enfin, je parle pas trop, mais je parle, quoi. Mm-hmm. Il y a beaucoup de mises en scène, parce que sur la mort, là, t'as même des ossements, des mm-hmm. des mâchoires qui bougent. Ah, avec... Tu l'as vu, ça? Non. Pas besoin de le voir, je l'ai entendu. Allez, c'est vrai. Parce que je commence à dire, attends, ça a été mis sur Internet, ça? C'est ça. Non, mais avec des mâchoires. Absolument, j'ai des crânes qui sont... Avec des aimants qui se délient, donc ça fait comme... Elle parle, les crânes parlent, tout à fait. Mais en fait, c'est ça aussi, tu fais bien aborder le truc, parce que c'est pas que le langage ni la situation, c'est aussi la musique. Je travaille toujours avec la musique dans tous mes spectacles. Alors, soit c'est xylophone, petit xylophone, soit c'est tambour. Mais c'est pas toi qui en joues, là. Si, c'est moi toujours, okay. Tout le temps. Oui. Okay. Moi, j'ai au moins ça, quand même. Le clown, il faut qu'il ait une prouesse. Moi, j'ai que ça. J'ai un peu de musique. Mais est-ce que tu joues gauchement comme le clown peut jouer? Non. Okay. Pardon, avec humilité. Oui, j'ai fait 7 ans de percussion classique en conservatoire. Je joue un peu plus que... Okay. Non, mais parce que pour être peut-être dans le rôle d'Emma... Parce que Emma, elle est gauche pour plein de choses. Mais il faut qu'elle ait une prouesse. Il faut qu'un clown ait une prouesse. Il peut être complètement maladroit sur... Mais il faut qu'il ait une prouesse pour remonter, justement, pour être tout à coup être un héros, tout à coup. Et éblouir les gens. Oui. C'est pas quand même... Voilà, exactement. Mais sans le vouloir volontairement, quoi. a miné la base, qui a fait sauter le pont, qui avait disposé du ciment sous les plaines, qui savait tout début qu'il y aurait une fin. Qui êtes-vous, messieurs, dames, pour me parler comme ça? Non, mais ce qu'il faut... Merci. Mon ami Bertrand Cantat. Ce qu'il faut dire concernant mon ami Myriam Menant, c'est que lorsque je l'ai rencontré, c'était vendredi, à la fin juin, le 27, 28, en tout cas, fin juin 2013. Et quelques heures avant, j'avais passé mon après-midi avec Jean-Pierre Coff. Qui dit Jean-Pierre Coff dit nourriture. Dit vigneron. Vigneron sans soin, en plein la bouteille. En vigneron, soin, en vigneron la bouteille. En alors donc, nous avions commencé à 12h30. Je venais d'arriver à Paris. Tout juste mon pied avait embrassé le sol. Ton pied embrasse. Oh, moi, mon pied embrasse tout ce qui veut bien se faire embrasser. Il aime bien ça. Ma bouche aussi. Pour amener mon ami Moustaki. Avec ma gueule de médecin, je vivais en... Lui, là, Gilbert et moi. Gilbert, Georges Moustaki. C'est qui Gilbert? Ben, c'est Gilbert l'écho. OK. Mais... Et moi et Georges, nous avons la même vision de la métèque. Le métèque. Pas là, mais le. Donc, j'avais rencontré Jean-Pierre Coff à 12h30. Je débarquais de l'avion. Passé aux douanes, ils m'ont dit « M. Gagné, moi ça, vous savez mon nom? Ben, vous êtes un animateur de radio? Oui! Que c'est Goérette? Oui. Alors, venez dans le petit coin. Ah, moi, non, j'ai pas envie. Non, venez dans le petit coin. Mais voyons, non. S'il vous plaît. Alors, j'y suis allé. Et puis? Et puis là, ils m'ont demandé, as-tu ta carte de CQRL? Alors, j'ai distribué ma carte à tout le monde. Tous les Français, ben, oh putain, c'est une carte de CQRL, la première radio communautaire francophone au monde. Là, c'est pas n'importe quoi, c'est pas de la chlingue. Excusez-moi, messieurs, mesdames. Je dois quitter, je rencontre l'homme de télévision, l'homme de haute gastronomie, Robert Goff. Qui? Robert Goff. Qui? Robert Goff. Jean-Pierre Goff, quoi? Oui, s'il vous plaît. Alors là, je dois me rendre aux abbesses. Alors montez-vous, et moi je m'abaisse aux abbesses. Non, on monte aux abbesses, parce que c'est le haut de Montmartre. Mon mari, c'est mon mari. Qui? Mon mari, c'est mon mari. Mon mari, c'est en haut, là, la cathédrale, puis Pigalle, quand c'est des putes. Moulin rouge, moulin bleu, moulin vert, moulin étudiant, et puis tout ça. Et donc, je revenais d'une belle journée avec Jean-Pierre Coff, en retard devant ma petite amie Emma la clown. Je me suis égaré en chemin. Oh, c'est rénal! Oh, c'est rénal, OK. Alors, attention, Facebook veut manipuler vos informations pour les divulguer aux extraterrestres qui viendront vous chercher pour éditer votre entité. Votre entité. Et moi, l'entité que j'ai trouvée, là, c'était l'ombre de Kerouac. Pas le grand Kerouac, le petit Kerouac. Ils m'ont dit, ouais, roll again. Pas encore une fois, roll again. OK, OK. Comme le mentionnait Jim Morrison, c'est pas Jack. Non, non, mais c'est Cracker Jack. Cracker Jack Kid Rock. Caramel. Lui, il aimait bien ça s'éclater. Tout le monde le savait. Hein? Oh mon dieu, c'est pas un maïs, c'est Jack Kid Rock. Comme le mentionnait Jim Morrison, un autre qui aimait bien s'éclater. C'est pas dans le micro-ondes. Comme la patate. Hein, la patate. Depuis quand? Ben oui, début de l'émission. Là, vous l'avez pas compris? Pas que je l'ai pas compris, j'ai syntonisé à l'autre chaîne. Oh mon dieu! Puis là, ben, je trouvais pas la clé pour me déchaîner. Quoique, ils m'ont dit, c'est l'ouverture de l'émission, donc l'animateur voit ça. Oh, c'est... OK, on y va. On se déchaîne. C'est la première émission de la rentrée 2013-2014. Et monsieur, tu l'as trouvé où? Je l'ai trouvé au Moulin Rouge. Il crampait par terre, puis il était comme le serpent de Jim Morrison. Puis là, ils m'ont dit, monte le serpent. Je ne monte pas cette affaire-là, moi, là. Hé, Saint-Amand. Là, j'ai demandé à mon ami, ma grande amie. Ma grande amie Fifi. Qu'est-ce que tu as fait là? Ben, je cherchais le nom. Le nom de qui? Le nom de l'adresse à laquelle je dois me rapporter. Tu dois te rapporter. Ah, moi, je me rapporte constamment. Ils m'ont dit, t'es comme le compas, toi. Rapporte-toi. Rapporte-toi. Personne ne veut me rapporter. Personne ne veut m'apporter non plus. Ni m'apporter. J'ai dit, hey, monsieur, heureusement que c'est une seule portée. Moi, là je suis pas dans 3-4 bedaines. J'ai une belle bedaine. Une bedaine de mots, une bedaine de d'extravagance, une bedaine. Comment c'est, Ionesco? Et c'est qui, lui? Ben, c'est l'autre bedaine, la grosse bedaine qui pue. Il pue pas, lui! Ben oui! Entendez-vous? Il peut chercher d'autres mots à travers une création qui n'était pas toujours la sienne. Comment ça? Mais parce qu'on souvent on lui a dit, mais écoute, tu t'en vas vers quoi? Ben je sais pas, moi c'est de l'absurde. Ben c'est quoi l'absurde? Ben c'est quelque chose qui est pas encore là. Ben si c'est pas encore là, c'est où? C'est en suspens. Eh monsieur, en suspens. En suspens. Moi, je peux comprendre que ma lampe est suspendue. Ma lampe, OK. Et puis ta langue, ma langue est bien pendue. Oh, elle est pendue. Ouais, mais moi, je fais souvent, ben quand je m'ennuie le soir, au lieu de faire des mots croisés, des mots crachés, des mots ensorcelés, Je fais des petits bonhommes pendus. Et puis? Ah, moi, mon petit bonhomme pendu, moi, je vais le faire en 12 morceaux, comme ça, il se pend pas souvent. Parce que là, pour le pendre, il faut finir avec le dernier pied, là. Moi, je fais une petite tête. Je fais un cou. Je fais double menton. Quand ça va mal, triple menton. Ça fait déjà quand même 5 choses. Après ça, je fais une bedaine. Là, je fais une petite bedaine dans la bedaine parce que je me dis que mon petit pendu est peut-être enceint. Et enceint, voyons donc, toi, ben, hey! 2013, les hommes peuvent devenir enceintes. T'es un complètement cinglé, oui. Comme le mentionnait Jim Morrison, Errance Rénaldienne, c'est l'émission la plus étrange à laquelle j'ai assisté de toute ma vie. Là. Ici. Maintenant. Maintenant, là. Maintenant. Pas là. J'appuie tout, là. C'est maintenant. Mais voyons donc. Oui, oui, c'est là, là. Là. Là, ici, maintenant. Attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait de son recueil Contes et nouvelles. Bref, cessons l'introduction et entrons dans l'antre de l'oncle Buck. Fifi. Voilà, je viens te chercher là, ce soir. Sur ton vélo. Ben, en fait, je vais embarquer sur ton vélo. Je vais être en arrière de toi. Je te tiens par la taille. La qui? La taille. La taille? La taille. Et puis, on va rouler. Je vais en voir, mais on roule. Comment ça, tu t'es jamais tué, toi, en zigzagant même là, à travers les voitures? Ah, moi, je connais le vélo. Oui, tu connais le vélo. Est-ce que tu connais la bagnole? Je connais la bagnole et les mecs qui les conduisent. Oh! C'est important de connaître la personne qui maîtrise le volant. Ben, ils maîtrisent pas souvent, moi, là. C'est moi qui leur dis, attention, c'est moi, c'est Fifi. Oh, mon Dieu. Et pour toi, c'est jamais Fifini. Alors, la phrase de Bukowski, c'est, d'un côté de la cour, il y avait les portes. A1, A2, A3, bingo! Non, c'est pas B, là. Pour que ce soit bingo, c'est soit B, disons B12, B13, I, I17, N comme N43, G comme G63, BIN, G comme G mon voyage, puis O comme... Oh, va-t'en donc, toi, mon énervant. Okay. Alors, du coup... Hey, c'est pas ça, là. Ben non, mais c'est presque ça. On est devant la vérité absolue. La sentez-vous? C'est quoi, ça? Ça, c'est la vérité absolue. Ben voyons donc. Ça pue! Tu vois ça au monde, là? Il y a des universitaires qui cherchent depuis des années la vérité absolue. Tu viens de dire que ça pue. Ça pue quoi, ça pue? Ben, la vérité, c'est pas très propre. Ah, voyons, tu veux dire que le scandale est meilleur? Ben, les gens, on est habitués à sentir la chenoute. À se faire gouverner par de la chenoute, puis à voter pour de la chenoute, puis à se faire prendre pour de la chenoute, puis quand on est devant l'absolu, on se dit, c'est ça l'absolu? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Je cherche ce qui reste à travers tout ça. Il reste plus rien, là. C'est comme une division. Je me dis, OK, 4 divisé par 2, 1, il reste rien. Quand il reste rien, ben là, on va continuer la phrase de Bukowski. D'un côté de la cour, il y avait la porte A1, A2, A3, etc. Et c'était le quartier des hommes. Oh ben, le quartier des hommes, là, on rit plus, là. C'est pas des quartiers, des femmes, là. Les femmes, c'est... Hein? Ah ouais, c'est ça, j'ai que j'ai. Quartier des hommes, c'est... Ça, c'est quartier des hommes, ça. Ça fait mal, là. Ça bûche, le quartier des hommes. Le quartier des femmes. Ça vole, là. Tu te dis, voyons, non, c'est pas un moustique, ça. Non, c'est des floritures. La floriture. Hey, ça sent la fleur, ça, là. Ça sent l'abeille. Ça sent quelque chose qui va peut-être finir par un mariage, là. Puis après, par un divorce. Puis après... Une séparation des enfants. Ça Préparation du caniche. On a un cas, on s'est acheté un caniche. C'est un poisson rouge qui s'appelle caniche. Il a du poil, puis ça nage dans l'eau. Heureusement que ça nage dans l'eau, sinon ça nagerait dans quoi? Ben avant ça, ça nageait dans chenoute, comme notre mariage. Deux ans après, c'est de la... Oui, pour le meilleur et pour le pire. Le pire, elle connaît pas ça. Moi, le meilleur, ben écoute, je pense que je suis tombé dans le meilleur de mon monde. C'est quoi le meilleur de ton monde? Ben, c'est ça. Volontairement, il se trouve qu'il y a une prouesse, quoi. Mais on n'appuie pas là-dessus. Okay. Enfin, on essaye pas. Ouais. En même temps, il y a plein de choses possibles. Hein. Faut pas non... C'est pas couler dans du bronze, quoi. Et disons que pour moi, c'est toujours en plus, quoi. Pour faire passer autre chose. C'est ça, toi, dans ton travail, tu veux quand même que le public quitte avec une réflexion. Avec un petit c'est parce mouvement, que t'as fait aussi un la voyante, comment tu l'appelles? La voyante extralucide. Ouais, c'est ça, extralucide, ouais. Ouais, ça, c'est du bluff total. Hein. Ben, quoi qu'il y en a qui y croient, tu sais, il y a des gens qui... Mais ceci dit, dans mes spectacles, dans ce spectacle-là que je joue en rue, donc c'est gratuit, donc le public, c'est pas le même public qui vient me voir en salle et qui vient me voir en rue, bien sûr. Le public en rue, généralement, ne me connaît pas du tout, donc il y a des gens qui sont dans des milieux défavorisés qui viennent, et quand je tire les cartes, que c'est totalement de la connerie, mais c'est en même temps, je le fais avec beaucoup d'intensivité et de sincérité. Et en fait, je tire les cartes avec un jeu de cette famille et je dis l'avenir aux gens, et quelquefois les gens m'écoutent sérieusement. Je sens qu'il y a une écoute sérieuse. Et là, c'est ça le drame, là, parce que tu sais que t'es dans le gag. Oui, il faut que je fasse attention. Oui. Mais quoi que les vrais font la même chose, hein, les voyants font la même chose. Oui, mais ils sont plus convaincants. Ils sont peut-être plus convaincants, et puis surtout, peut-être qu'ils disent moins de conneries, je sais pas. Ben, non. Je sais pas. Ben, ouais, ok, on peut jouer là-dessus, on peut. Et ton personnage, lorsque tu écris des nouveaux numéros, parce que là, ce que tu fais actuellement, c'est très récent. C'est dedans, je suis au début. Oui, exactement. Oui. Et est-ce que c'est vraiment l'idée, que tu avais au départ de ce spectacle-là aussi? J'ai aucune idée. Ah, mais là, aujourd'hui, là? Oui, je sais, mais j'ai aucune idée au départ, je veux dire. OK. J'ai le thème. Après, j'étudie le thème. Alors, ça a été la science. Donc, j'ai étudié la physique quantique, la cosmologie aussi. Et puis, je sais pas si tu veux voir quelque chose. Non? Oh, non. Trop tard. Moi, j'ai vu passer dans le... Oui. En fait... J'ai lu pas mal de bouquins. À chaque fois, je lis beaucoup. Je visite des laboratoires quand il y en a. Je discute avec des spécialistes. Absolument. Okay. Pas du tout. Okay. Non. Enfin, physique quantique, si tu as compris, c'est que tu as mal lu. Oh, oui, c'est ça. Ouais, il y a quelque chose. Il y a une petite anomalie. Oui, non, mais tu ne peux pas comprendre. Okay. Pas, si tu as compris, c'est que tu as mal lu. Si tu n'es pas scientifique. Non, même pas. Enfin, oui. Non, mais disons que c'est tellement une autre physique que la physique classique. C'est très... Dans notre cerveau, c'est compliqué. Mm-hmm. Mais en tout cas, j'étudie tout ce que je peux. Et après, à partir de ce que je me suis nourrie de ça, j'écris. Et une fois que j'ai écrit, Emma Latoun écrit des textes. Et après, je les apprends et je les mets sur le plateau. En général, il ne reste pas trop de ces textes-là parce qu'ils sont plus écrits qu'à dire. Mais il en sort toujours quelque chose. Mais une fois que je suis sur le plateau, je commence avec rien. C'est juste des textes que j'ai appris. Et là, c'est un petit peu difficile pendant 2-3 jours parce qu'il n'y a rien. Mais tu plantes une caméra aussi. Oui, j'ai une caméra. Ouais, tu te regardes jouer. Oui. Okay. Parce que je commence toute seule pour n'effrayer personne. Oui, parce que c'est là qu'il y a le travail. Donc, c'est un peu monotone, un peu difficile pour le spectateur ou l'autre personne qui pourrait critiquer. Oui, parce puis que c'est... Tu veux quelque chose, et puis je veux commencer à avoir... C'est tellement rien au début que je préfère faire venir quelqu'un quand il y a un peu quelque chose. Quoi, voilà. Et toi, tu sens que ça fonctionne lorsque toi-même tu ris de ton truc? Quand ça peut être un peu ça, oui. Ouais. Après, il y a des choses qui ne me font pas rire et qui font rire. Mais je ris très peu quand même quand je me vois. Il faut quand même le dire, si je ris une fois sur 20 minutes d'improvisation, bon, il y a quelque chose. Mais c'est là aussi que tu te dis, oh, ben là, je coupe parce que c'est trop long, il y a un moment donné... Où... Oui, en général, ces phases-là, elles me donnent l'inspiration pour continuer dans une direction, en fait. Pas forcément garder... Mais au moins avoir une autre direction, un petit début d'autre chose. C'est très difficile les débuts, c'est terrible. Je n'aime pas du tout ça, mais je suis obligée de passer par là. Oh, ouais. Il faut bien commencement du monde. Et puis, effectivement, mais tu sois combien de numéros de fait avec là actuellement la mort? J'ai 40 minutes. Ce n'est pas des numéros, c'est plutôt des. Ben, des spectacles. C'est un spectacle. Mais pour le moment, j'ai 40 minutes d'un fil qui va d'un début de spectacle qui serait l'écriture du testament jusqu'à à peu près des apparitions dans mon cercueil. Oui, c'est ça. Voilà, j'en suis à peu près là. Donc j'ai 40 minutes, 40-45 minutes et j'ai encore beaucoup de travail. Mais là, est-ce que c'est montré devant les gens? Moi, j'ai montré devant... Si, ça j'ai montré un petit peu. Ouais, j'ai travaillé avec ma metteur en scène une semaine et je l'ai montré à quelques proches. OK. Ouais. Mais jamais devant un public? Non, pas encore. Okay. Mais je fais faire une présentation en septembre. OK. Quand même. Et mais là, tu dans crois... une résidence de création. OK. Puis tu crois que tout ça sera terminé quand? Ah ben, il faut... C'est pas que je crois. Okay. Il faut que ça soit terminé le 2 décembre, vu que la première, c'est le 3. OK. C'est déjà... Mais tu prévois un spectacle d'une heure et demie? Oui. OK. Tu es rendu à 45 minutes? À peu près. OK. Okay. Encore beaucoup de travail, mais il y a encore beaucoup de choses à faire encore. J'ai pas fini. Hein. La mort, c'est tellement vaste. Oh, c'est vaste. Tellement grand. Mais tu veux pas l'aborder non plus d'une manière linéaire, tu veux tout toucher là-dedans. Mais qu'est-ce que c'est tout toucher vu que on ne sait rien? Ben non, surtout qu'on on peut pas revenir, ouais. Mais on peut parler de ce qui va arriver, mais pas après. On peut parler de tout ce qui tourne autour juste avant. Donc effectivement le testament, la demande de pardon, la préparation du cercueil. Qu'est-ce que je veux comme mort? Est-ce que je veux être incinéré? L'épitaphe, qu'est-ce que je laisse? Et puis aussi, il y a un truc qui peut être aussi, qu'est-ce que c'est la dernière chose à vivre? La plus belle chose qu'on emmènerait avec nous, c'est quoi? Il y a ça, il y a aussi le couloir de la mort, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont fait des expériences de mort imminente, NDE en anglais, Near Death Experience, qui ont quand même des millions de témoignages qui disent à peu près la même chose sur le tunnel. Donc forcément, il y a une espèce d'imaginaire collectif là-dessus, quoi. Ouais, c'est ça. Il manque 20 centimes, ça vient. On ne sait pas. Non, non, ça ne presse pas, ça ne presse pas. Il veut quelque chose peut-être Non, non, non, c'est beau. Ben oui, je vais prendre un Perrier, moi aussi, c'est vrai. Oui. Non, c'est beau, je vais payer, Il manque juste 15 centimes, ça. C'est pas grave, je vais payer 15. Non, il n'y a personne. Mais, ouais, c'est ça. Et tu travailles à partir des archives de ce que tu vois, ou si tu... c'est de la création pure, c'est-à-dire que tu n'as aucune assise. Est-ce que tu vas chercher des informations à gauche et à droite? Pour commencer? Ben, tu parlais de la mort. Eh bien, la mort, oui, j'ai lu aussi. J'ai lu, je suis allée à Bénarès, en Inde, pour voir un petit peu qu'est-ce que c'était. Et aussi pour faire un voyage solitaire. Tu avais aussi plein de citations. Oui, des belles citations. Ben, j'ai lu quand même pas mal depuis. Donc, il y a des humains magnifiques qui disent des phrases qui juste te traversent et elles restent à l'intérieur. Quoi. Mais pourquoi à ce moment-ci tu veux travailler sur la mort? Eh bien, je ne sais pas. Okay. Mais je pense qu'on fait partie d'un même magma humain et qu'il y a des thèmes qui reviennent un peu pour tout le monde. Parce qu'il y a quand même eu un salon de la mort il y a 2 ans à Paris. Ce qui n'est pas rien. C'était le premier. Et j'espère que ça va recommencer. Et il y a quand même pas mal de choses qui commencent à se dire un peu là-dessus. Quoi. Enfin, je ne sais pas comment c'est au Québec, mais en France, en tout cas, il y a... un petit peu. Ben, il y a beaucoup de spéculations là-dessus. Ben, c'est facile de spéculer sur quelque chose qu'on ne peut pas vérifier. Bien sûr, bien sûr. Et, en même temps... Tu parlais de tunnel. C'est bien certain que c'est peut-être un peu d'endoctrinement. Hein. Moi, ça ne me dérange pas du tout, vu que je ne vois pas pourquoi je serais hyper matérialiste et je ne croirais en rien. À quoi ça m'avance? Ouais. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on risque? Autant être rassuré et se préparer à quelque chose d'important et non pas fuir le truc. Et puis si c'est rien, au moins ne pas s'attendre à que ce soit rien. C'est se faire un gros spectacle ou quelque chose qui est peut-être si anodin. Au bout du compte. Je pense pas que ça soit anodin de toute façon. Ouais. Il y en a qui croient aussi que le rideau se ferme, c'est terminé. Oui, bien sûr, mais ce sont les plus... Les plus comment dire, ceux-là sont ceux pour qui... il faut voir pour croire. Mais peut-être que tout le Moi, je suis plutôt, il faut croire pour voir. C'est l'extravagance intellectuelle. Oui, extravagance. C'est un point de vue. Oui, ben oui. Vroom, vroom, c'est mieux que je suis. avec sur tes lèvres ce sourire vert, toujours le même, tu me donnes le mal. Il y a ce poids autour de toi, c'est comme tu l'aimes, tu me donnes le mal. Tu s'aimerais, c'est tes yeux. Ok. Merci, merci, monsieur, monsieur, monsieur, calmez-vous, calmez-vous, monsieur! Monsieur, ici la rue, merci. Ouais, ouais, ouais. Ici la rue, Allô? Monsieur? Ici la RC. Qui? La RC. Je ne connais pas ça. La GRC. G pour gagner. R pour Rossignol. Et monsieur, C pour... Allô? Oui, c'est le GRC. Ouais, allô? Arrêtez de dire allô, ça, on va vous arrêter. Comment ça? Ben, nous sommes de la police, GRC. La police. On connaît pas ça, nous autres. Oui, G comme gagné. R comme Rossignol. Puis C comme... Allez-y! On peut pas blasphémer ici. Ben, on peut. Non, on peut pas. C'est comme... C'est en septembre que les enfants nous amènent les œillets et les couronnes sans oublier les secrets. C'est en septembre qu'on s'imagine être un vrai. Hey, on est en septembre! Ben oui, je sais, c'est pour ça que je mets mon ami Charles Aznavour. C'est pas lui qui chante ça, c'est Gilbert Meno, le grand Gilbert Meno. Lui, il s'est dit, hey, moi, Meno, ça fonctionne pas, là. Il y a eu le grand Meno, l'intellectuel de gauche, l'écrivain, le sans-dessin, parce qu'il pouvait pas dessiner, c'était un sans-dessin, mais il y avait des multitudes de villes, d'imagination qui pouvait colporter à travers son stylo, parce qu'il fonctionnait au stylo. Sa femme était au stylet. Stylet. Parce qu'il disait, ah ouais, ma femme, amène-moi des stylos, s'il te plaît. C'est de là que vient stylet. Ben oui, s'il te plaît. C'est pas très, très fonctionnel, tout ça, là. Qui t'a dit que l'émission était fonctionnelle, toi, là? À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? C'est là, là. C'est madame, applaudissez. On l'applaudit. OK, applaudissez, monsieur, madame aussi. Allez-y. Applaudissez. Qui? On l'applaudit. Allez-y. On qui? On l'applaudit. On l'applaudit. Bon. Et monsieur, c'est un triomphe là, pour la première automne-hiver. L'hiver va être long, l'automne sera court, le sentier sera pas dans le buisson, la neige tombera pas sur la côte nord, Jack Monoloy est presque vivant. Gilbert nous amènera peut-être un petit aspect de sa vérité. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? Librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf. Maintenant, là, pour l'automne, on commence une affaire très sérieuse. On n'a pas peur, là. C'est un atelier d'improvisation. Vous avez jamais entendu ça? C'est nouveau. On retrouve des expressions qui impressionnent l'imaginaire. En tout cas, le mien. Des termes aussi incisifs qu'un slogan. Qui? Incisif, incisif, comme un couteau incisif, qu'un slogan. Nous dépouillerons ce soir, cette nuit, un de ces fleurons devant vous, histoire d'errer. D'errer, en errance, d'errer, sans pertinence, errer. Chercher à trouver la vérité à travers le monde. C'est beau, ça. Alors, la première phrase là, qui ressemble un peu à un slogan et qui est une expression, c'est « Il n'y a pas de trouble. » Ah non, non. OK, ça va, il n'y a pas de trouble. Ça, ça m'énerve. Parce que je sais déjà là, quand on amène le trouble, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Sinon, c'est bien, il n'y a pas de quoi. Quand il dit, il n'y a pas de trouble. Il y en a du trouble. Là. T'en veux-tu du trouble? Il va en avoir à soir du trouble. Il est 1h30 du matin. Madame Tremblay n'arrête pas de danser en haut, puis elle dit, oui, on m'a dit, hein, c'est la nuit que tout s'amène, là, mes pieds se trouvent sous une extravagance musicale. Hé, hey, la cinglée, là. Tout le monde dort. Il y a 1h30. Mais non, c'est vendredi. C'est errance rénaldienne. Ah, c'est vrai. Pas mieux. Non, tu peux continuer à danser. Non, mais Fred Asper. Fred Asper, à soir. M'a appelé. T'es-tu certaine? Je suis très certaine. Il m'a dit... Oui? Il m'a dit... Elle est au rendez-vous. C'est qui, ça, elle est au rendez-vous? La création des pieds à travers la musique. Bon, je pense qu'on va appeler l'ambulance. Suzanne? Hello. Suzanne, on va appeler l'ambulancier. Fais le 911. Appelle le 911. Hey, on a du... Appelle le 911. Allô, monsieur? Hello. Oui, monsieur. Oh. Je sais, il est 1h30 du matin, on vous dérange? Allô? Oui, allô? Ici, on a une femme là, qui se prend pour Fred Asperge. Allô? Oui, tu connais Fred Asperge? Est-ce que tu connais Fred Asperge? Non. OK. Fred Asperge, là, c'est un danseur. Tu sais ce que c'est qu'un danseur, là? Non. Monsieur, c'est une grenouille qu'on a appelée ou... Oui? Non. OK. Alors là, il est presque 1h32, là, puis elle veut faire 1, 2, 3, cha-cha-cha, puis faire des « sing in the spring », puis elle est... Le string est déjà arraché. Elle pèse un poids passablement irrespectueux. OK. C'est encore vous qu'on parle, là? Allez-vous appeler l'ambulance, vous, là? Êtes-vous l'ambulance? OK, vous êtes l'ambulance. Eh, monsieur. Êtes-vous sur un wawalon? OK. C'est des méthanes. Allô, Domestan? C'est réel. Ah, OK. Excuse-moi, j'ai bougé la... Ouais, tu sais que j'ai bougé. Là, mais la femme en haut, madame, monsieur l'ambulancier, là, à Manarve, je paye 450$ en bas, là. J'habite dans une toilette. Je dors dans un bain. Je suis tout prêt. Oui, je suis tout prêt de ce que je cherche, moi, dans la vie. Les chiottes! Merci. Ils m'ont dit, t'es aux chiottes. 450$ aux chiottes. Là, en haut, elle n'arrête pas de me taper sur les pieds. Oui, sur les nerfs, surtout. Hein. En plus, elle se prend pour une danseuse de claquettes. Elle pèse 350 livres. Les claquettes veulent péter. Le bois rond veut tomber. Elle veut s'effondrer sur moi. S'effondrer, elle veut tomber sur moi. Puis moi, je tombe pas comme ça facilement. Là, je suis pas un gars facile. Quoique, tu me dis, tu ta soeur me dit je t'aime. Je dis OK, on se marie. Puis pour le meilleur, pour le pire, on divise notre argent. Toi, t'as pas une maudite scène. Moi, j'en ai plus que toi. Fait que. OK, ça va bien. Est-ce que l'ambulance est en direction, vous, là? OK, je vais vous dire mon adresse, OK? Bon, nous sommes à... Oui, 300... nous sommes à Limoilou. Limoilou, c'est à l'endroit où c'est plus dur. C'est très mou, c'est Limoilou. Oui. OK, il y a deux feux de comment dire, dans des barils, parce qu'il y a des gens qui se réchauffent, qui font des guimauves chocolatées. C'est des flammes, là. Vous aimez ça, des flammes, vous, là? Appelez pas les pompiers, là. Non. Ben non, c'est une fête, là. On s'amuse. Bon, il y a Rita Bibelot, puis elle, depuis deux semaines, elle se dit, oh, ben c'est le temps, peut-être, de s'envoyer en l'air. Puis elle sait pas ce que ça veut dire, s'envoyer en l'air. Elle est un peu... est un peu molle du cerveau, comme le moshmallow. Moi, je me souviens qu'à un moment donné, il y a quelques années, j'avais peut-être 12-13 ans, on avait un feu de camp. On était devant un feu de camp, il y avait moi, il y avait ma soeur, puis il y avait un arbre. J'avais arraché une branche, puis j'ai mis le moshmallow. J'ai mis ça à côté du feu, puis ça brûlait. Puis là, le moshmallow était beau, il bouillait, puis là, c'était prêt. Là, j'ai pris... J'étais un innocent à l'époque. Encore aujourd'hui? Ben oui, encore aujourd'hui. Je suis un adulte, fait que je suis un innocent adulte. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire? Absolument rien, madame. Fauchez-vous pas, vous, là, on va appeler la police. Non, mais l'ambulancier est en... Vous êtes là, monsieur? Bon. Puis là, j'ai pris la branche. Là, j'ai tiré en blague. Je dis, hey, tiens, le moshmallow. J'ai tiré ça en direction de ma soeur. Là, le moshmallow est parti dans le front de ma soeur. C'était chaud. C'était chaud, ce moshmallow-là. Puis là, ça s'est collé sur son front. Depuis ce temps-là, là, si tu la vois, là, ben, tu peux y manger le mâchement d'eau, elle va se rappeler de moi. Ah, c'est comme ça. Je n'aimais pas beaucoup la semaine d'été. Salissant les pare-brises. Je n'aime pas les nouveau-nés trop entêtés à garder les yeux clos. Il faut les rouvrir de force à contre-soir. Je ne supporte pas les enterrés vivants. Je n'aime pas les bonzes qui s'envoient en l'air alors qu'il y a 2 millions de voitures sans carburant. Je suis inadapté. Je n'aime pas beaucoup les corps privés de tête, ni les chats crucifiés. Je supporte très mal les morts et les blessés susceptibilités. Je déteste les gens qu'on recouvre de miel et qu'on attache sous le soleil à Amélie. Pourtant c'est bien normal, il faut que les fourmis bouffent. Mais c'est plus fort que moi, il faut que je vois le mal partout. Je suis inadapté. Je n'aime pas les gens dans la gorge étrangère et les yeux arrachés. Ni les femmes qu'on jette à la mer dans un sac avec un chat vivant. Je suis contre tous ceux qui descendent au tombeau. Je n'aime pas les gens à qui on a coupé les jambes et les bras pour leur apprendre à vivre. Ils ont sur la bouche un rire idiot. Y'a pas de pareil. Je suis inadapté. Je suis inadapté. extravagance intellectuelle, je dirais plutôt que la réalité, c'est pas uniquement ce qu'on voit. Il y a autre chose qu'on voit pas, et c'est pas parce qu'on peut pas l'expliquer que ça n'existe pas. Puis en même temps, on peut en faire dire n'importe quoi, puisqu'il n'y a rien de scientifique. Il n'y a rien de scientifique. Quand c'est pas scientifique, c'est facile de... Et parce que c'est pas scientifique, ça veut dire que c'est pas vérifiable, et ça veut dire que ça n'existe pas parce que c'est pas scientifiquement vérifiable. Non, c'est parce qu'on peut en faire n'importe quoi. Bien sûr. On peut en faire quelque chose aussi qui fait du bien aux humains. Ah oui, oui, oui. Ah. Oh, oui, tu peux en faire un spectacle. Oui, oui, tu peux amener les gens à rêver, tu peux les questionner. Oui, ça c'est certain. Mais au bout du compte, quand toi t'es vis-à-vis ça, ça peut être autre chose. Ah ben évidemment. Moi, bien sûr, personne n'a la vérité là-dessus. Après, c'est juste savoir qu'est-ce qu'on veut faire de sa vie. Parce que c'est ça qui compte. Parce qu'il m'intéresse dans ce spectacle, c'est pas de parler de la mort, parce que finalement, c'est du bavardage de vivant, comme dirait Christiane Singer. Je sais pas si tu connais, c'est une grande, ouais, magnifique, sublime. Ouais. Mais c'est surtout de qu'est-ce qu'on fait de sa vie, surtout. C'est ça qui compte. Ah oui, c'est vrai. Puis où on veut aller aussi avec sa vie, qu'est-ce qu'on veut en faire, si on veut... tu sais, on a plusieurs chemins à prendre. Ah, c'est gentil, merci. On a toujours le choix, en plus. Pardon? Oui, et puis on a souvent le choix, quand même. Ah oui, c'est ça, exactement, exactement. Puis, ce que les gens ont peur, c'est d'essayer, hein. Ils veulent le réconfort, puis c'est sûr, c'est plus facile. Mais oui, la sécurité, c'est ça qui... Mais c'est... Je sais pas où j'ai lu ça, d'ailleurs. La sécurité, c'est perdre sa liberté aussi. Ouais. Effectivement, oui. Et puis, c'est quoi ton lien avec Québec? Eh bien, le lien avec Québec, c'est que Anne Sylvestre m'a fait jouer là-bas. OK. Anne Sylvestre, qui est une grande amie de Mme Julien. Mais bien sûr. Ben oui, Pauline Julien. Mais oui, et puis de beaucoup, beaucoup, beaucoup de Québécois. Oui, qui s'est donné la mort parce qu'elle avait une maladie dégénérative. Oui. Dégénérative. Oui. Qui allait l'amener vers quelque chose de... Elle a décidé de mourir, un peu comme son mari. Son mari qui est mort d'un cancer, qui a beaucoup fait pour le Québec. Et puis c'est Anne Sylvestre. Oui, c'est Anne Sylvestre qui m'a emmenée dans ses bagages en tournée. Je faisais sa première partie en 2000, je ne sais plus très bien les années, 2003-2005, je crois. Et je suis revenue après, j'ai fait une tournée Rosec là-bas. Gaspésie, de la Madeleine, quand même. Ah ouais, Baie-Comeau, ah ouais. Trois-Rivières. Les grands espaces. Oui, la belle lumière. Oui, ouais, comme disait Bastien, les grands espaces. Oui. Sublime, vraiment. Ah ouais, c'est formidable. C'est ouais. Et ça me manque quand même, là, parce que ça fait plusieurs années, là. Ça fait... bientôt 10 ans, je crois, déjà. Waouh. Quand tu t'es présenté là, est-ce que les gens étaient réceptifs? Vachement. De toute façon, énormément. Je crois que j'ai jamais eu un public aussi, participant, aussi généreux, aussi déconnant, aussi... Alors, ils ont peut-être le côté clownesque un peu plus ouvert qu'avec Fred Pellerin qui lui raconte ses trucs, comme il y en a plein, hein? Il y avait ça, la Marc Favreau, il y a plein de humoristes qui jouent comme ça. Il y avait, en Belgique, il y avait Raymond Devos, qui est un clown aussi. Pourquoi en Belgique, il est en France? Mais non, Raymond Devos. C'est Guy Bedos qui est français. Raymond Devos est belge. Ah bon? Je savais pas. Oui, oui. Ben, plein de monde s'imagine qu'Adamo est français, mais il est belge. Johnny Hallyday est belge. Oui, mais ça, c'est pas pareil. Ça me dérange, non, là, ça me dérange pas. On descend, on s'en va vers le bas. Là. Mais oui, c'est certain que... Oui, Raymond Devos, c'est... Ah, je savais pas qu'il était belge. Belge. Non. Non, mais c'est un grand ami de Jean Lapointe, qui est québécois. C'est grâce à Raymond Devos que Jean Lapointe s'est rendu à Paris et qu'il a fait l'Olympia. Mais sinon, c'est ça, nous, on est très ouverts à l'humour absurde. Et c'est ce que tu fais aussi. Un peu, oui. Est-ce que tu joues beaucoup sur l'improvisation? Oui, aussi, non. Non, j'ai toujours des moments d'improvisation dans les spectacles. Là, dans les spectacles solo, en général, j'ai des petites parts dès qu'il y a des contacts au public, en direct. Après, dans la conférence que je fais avec Catherine Dolto, il y a quand même... On a commencé la conférence, il y avait 80% d'improvisation, quoi. Et ça va continuer encore, mais j'adore ça. OK. Ça me lessive beaucoup. Oh, oui, c'est ça. Mais j'adore. Mais ça t'inspire, c'est ça que tu veux dire. C'est-à-dire, c'est une disponibilité à 360 degrés, quoi. Avec ma partenaire, avec le public, avec... Mais c'est parce énorme. que c'est, c'est un lien, toi, quand tu es clown, tu es seul sur scène, dans ce cas-là, il y a un rapport de discussion entre les deux. Mm-hmm. C'est ça qui. Un va alimenter l'autre. Ouais. Ça peut aller loin, ça peut aller loin. Ah, oui. Au fou rire, ça va au fou rire, hein, d'ailleurs, en général. Êtes-vous semblable? Comment vous êtes rencontrés? Avec Catherine, en fait, Catherine, elle a fait. Donc, c'est la fille de Françoise Dolto. Et elle a fait l'école Lecoq, la même école, mais 20 ans avant moi. Parce qu'elle a 20 ans de plus que moi. Ah. Et on s'est rencontrés parce qu'elle avait écrit un bouquin sur le clown à l'hôpital, Rire, guérir, un très joli, très très beau texte sur le clown. Et en fait, il y a une femme qui organisait un festival en Bretagne, un festival d'humour, qui a voulu qu'elle vienne faire une conférence. Mais qu'elle soit interrompue par une clown. Et elle me connaissait, donc elle nous a mis toutes les deux, elle nous a jetés comme ça dans la fosse au lion. Et en fait, on s'est vu à midi, on a préparé vaguement. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je fais ça. Ok, on a fait un petit canevas, comme ça. On a fait la balance micro, et puis le soir, direct. Sans répétition, sans rien, sans se connaître plus que ça. Et ça a été génial. Vraiment génial. Depuis ce temps-là, on n'arrête pas. Et est-ce que vous faites plusieurs spectacles par année? Oui, on a fait plusieurs. On a fait deux fois la salle Gaveau. Je ne sais pas si tu connais, c'est une belle salle. C'était plein, c'était bien. Et on a des tournées, oui, on tourne. Mais comment vous faites pour jubler? Parce qu'elle, elle a sa tournée. Non, elle a ses patients surtout. C'est ça? Ses patients et ses conférences sérieuses. Eh bien, on s'organise, on y arrive. Hein. Oui, on y arrive. Ben, elle y tient beaucoup aussi. Donc, okay. Et est-ce qu'elle pense aussi faire ça devant des gens qui souffrent ou des gens qui... Bah, il faut qu'on nous invite pour ça. Dans les hôpitaux dans... Bah, ça, c'est une conférence, c'est un spectacle de théâtre. Quoi. On ne peut pas jouer ça. Non, mais pour des gens qui souffrent de dépression Bah, il faut qu'ils viennent nous voir. Il y a des groupes de gens qui souffrent de dépression. Oui, ça existe, les groupes ou pas? Puis même Monsieur Tout-le-Monde peut souffrir. Ouais. Monsieur puis Madame Tout-le-Monde peut souffrir. Et, mais ton travail que tu prépares actuellement, tu ne te sens pas stressé? Pas encore. Ça, puisque t'as pas encore. Non, puis surtout que, oui, je suis qu'au mois de juin, il y a encore juillet, août, septembre, octobre, novembre, j'ai 5 mois encore devant moi. We'll be right back.

pas encore stressé, non. Non, ça sert pas à grand chose de stresser tout, quoi. Déjà, ça suffit déjà la veille. Mais est-ce que c'est en pratiquant que vous rajoutez, ou s'il y a des trucs qui se collent? Est-ce que c'est en rejoint que... Eh bien, c'est un peu tout, parce que j'ai pas tout fini. Il y a des choses que j'ai pas abordées encore, donc j'ai des nouvelles scènes à chercher. Puis après, c'est chaque scène, il faut les vivre vraiment, quoi. Là, pour le moment, je suis encore un peu dans la forme, pas encore tout à fait dans le grand fond, quoi. Mais est-ce que tu es seule à travailler là-dessus, s'il y a plein de... Ben, j'ai un décorateur. Oui, je le connais. Qui a fabriqué... Qui a travaillé sur ton tombeau. Oui, sur ma... Oui, sur tes mâchoires. Sur moi, là. J'ai lui, j'ai un compositeur qui fait mes musiques toujours. Non, mais pour ce qui est des idées, lui aussi t'amène des phrases, parce que ça peut... Non, pas là-dessus, non. Non, non, c'est plutôt moi qui... Pas sur celui-là, sur la caravane, oui, parce qu'on était un peu, il était quand même... La caravane est comme un personnage, donc c'est lui qui l'a créé, la caravane. Didier Giaconelli. Mais là, non, c'est un peu différent, je suis quand même très auteur là-dessus. Mais est-ce que c'est fini avec la caravane aussi? Non, on tourne. Alors là, il y a plusieurs projets qui se rajoutent. Donc, il va y avoir celui-là sur la mort, il y a la caravane, il y a le truc... J'ai à peu près 9 spectacles en répertoire, dont certains que je ne joue pas beaucoup, que j'ai beaucoup joué et que je ne joue plus, mais que je joue si on me le demande. Voilà. 8 ou 9, oui. Tu as de la mémoire? Bon, ça va quand même. Mais c'est différent, parce que quand on est écrivain, auteur des textes, ils sont déjà passés par l'intérieur, quoi, quand on les écrit. Oui, c'est déjà dans le scotch. Oui, absolument, tout à fait. Non, c'est ça, c'est vrai. Ce qui fait que la mémoire, elle est moins... non, c'est pas... Je touche du bois. Mais tu te promènes partout, parce que là, je t'ai rencontré ici par hasard. Tu sais que je t'ai envoyé un courriel il y a déjà 2 semaines. Là, tu m'as dit, je ne serai pas ici. Oui, je pars tout à l'heure, oui. C'est ça, mais tu pars, tu sais, tu es toujours sur un pied d'alerte. Un peu, mais Paris, au bout d'une semaine, ça va, quoi. Mais toi, tu ne restes pas à Paris, là. Non, là, je vais en Bretagne. OK, mais là, tu viens ici pour rencontrer des gens, quoi. Non, j'habite à Paris, mais je vais souvent en Bretagne aussi. OK. Voilà. Et parce qu'à Paris, là, ça t'étouffe. Tu peux pas créer à Paris. Ah non, ça, je peux pas. Non. Même maintenant, pour écrire à Paris, ça devient difficile. Avant, j'y arrivais. Maintenant, je crois que j'ai besoin vraiment d'être loin, d'être... Et là, tout à l'heure, tu t'en vas pour créer, pour travailler? Je m'en vais un mariage, déjà. Okay. Pour une amie qui se marie. Ah, ben, bravo. Voilà. Hein? C'est pas moi, je lui dirai de papa. Okay. Bravo pour elle. Et j'y vais après, j'y vais en Bretagne encore un peu plus loin, retrouver Catherine Dolto, pour qu'on prépare un peu la conférence qu'on va faire le 20 juillet, la nouvelle conférence sur l'amour, qui va être un truc tout nouveau, Working Progress, on va appeler ça, okay. Sur l'amour, voilà. Que vous ne travaillez pas trop pour que ça se fasse sur ça. On va travailler un peu plus que dans l'autre quand même, okay. Parce que c'est pas notre... Enfin, c'est pas notre domaine, l'amour. Si, c'est le domaine de tout le monde, j'espère. Oui, il n'y a pas de... Mais dans le spectacle d'avant, l'autonomie, ce qu'on avait beaucoup abordé, le clown, l'autonomie, c'était quand même nos domaines à chacune. On avait de quoi nourrir. Là, il faut qu'on travaille un peu plus, quand même. Voilà, donc je vais faire ça pour la voir. Et puis, je vais travailler les crânes avec les mâchoires aussi. Parce que je vais chanter Mexico avec. Donc, il faut quand même que je travaille ça. Toi, t'es capable de travailler sur plusieurs projets sans que tout soit encore terminé, même en sachant que tu vas faire un spectacle officiel sur la mort dans 5 mois. Mm-hmm. Ben, c'est-à-dire, j'ai un cerveau. Oui, ça oui. Le droit est très développé, le gauche pas beaucoup. OK. Mais ce qui fait que je peux faire des petites cloisons, okay. Des petits paravents entre les choses. Et tu peux faire plein de choses en même temps, sans que ce soit terminé, pour à un moment donné aboutir devant public. Heureusement, oui, heureusement, parce que sinon ça voudrait dire que, étant donné que je suis assez lente à créer, si je ne pouvais pas jouer en même temps mes spectacles, je ne sais pas comment je mangerais. Alors en un mot, tu n'arrêtes jamais. Je m'arrête tous les... Des vacances? Je prends plutôt des voyages que des vacances. OK. pour t'alimenter? Oui, pour m'alimenter, pour partir d'ici. J'ai besoin de quitter la France une fois par an, moi. Et c'est pour aller où, n'importe où? Ça dépend. Je suis allée en Inde en avril. Je suis allée au Sénégal en décembre. Non, je pars 3 semaines, 2 semaines, ça dépend. OK. Voilà. Et en fait, quand j'avais 18 ans, je suis partie au Danemark. À 18 ans, pour retrouver quelqu'un qui, finalement, bref, a trouvé quelqu'un d'autre sur place. Donc, c'était très, très bien. C'était un cadeau parce que je me suis promenée toute seule en stop au Danemark. Ouais, mais ça devait être amoureux, puis c'est devenu seul. Voilà, c'est devenu... Et c'était vachement mieux. OK, j'en suis sûre. Et ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit, moi, tous les ans, je veux partir. Et c'est ce que je fais depuis que j'ai 18 ans. Voilà. Un jour Montréal. Mais c'est déjà fait, mais j'ai plusieurs... Oui. Ah, oui, parce que l'autre, c'est la première fois, c'est Anne-Sylvestre qui t'a amené un peu partout. Mais oui, Montréal. Mais Québec, c'est encore mieux, c'est là que j'habite. C'est vrai, Québec. Ouais. J'ai joué au Petit Champlain, j'ai joué au Café Saint-Jean aussi. Oui, Café Saint-Jean. J'ai joué une fois. Oui. Puis ouais. Le petit Champlain, c'est bien. Oui, Jacques Cousin était là il y a quelques années, il y a oui. 2 ans. Ouais, oui. Un spectacle qui devait durer 2 heures, mais qui s'est terminé au 14h30. Mais c'est Jacques Cousin. Mais il est comme ça, mais c'est magnifique aussi. Hein. Ah, écoute, ça, c'est un clown aussi. Ça, c'est un clown. Oui, c'est, disons... À sa façon. Oui, on peut dire un peu comme ça. Mais le clown, c'est quand même... très très spécifique quand même, c'est pas juste non, faire non, rire non, non c'est voilà. Sûr c'est sûr c'est ça certain. Touche quand même chez les gens quelque chose de très particulier quoi. Oui, très ludique en lui, ludique et maladroit et non héroïque et tout ce qui fait qu'on est des perdants et non pas des gagnants quoi. Oui, et c'est ça qui nous touche. Je peux le présenter oui devant les gens aiment ça aussi. Oh oui, ben on ça se fait ça un peu à travers ça hein. Mm-hmm. Mm-hmm. Hey, j'ai 10 phrases que j'aimerais que tu alimentes comme ça. Non non non, tu vas voir, c'est très simple. C'est très simple. Tu me le dis, c'est trop compliqué, on arrête. OK. Si tu étais un liquide... Oh là, il y a du blanc, là. Ben, c'est bien, ça. OK. Mais c'est pas un vin, là. Du blanc, c'est... Non, non, c'est pas okay. Du blanc. Si j'étais un liquide... Si, moi, j'étais un liquide. Et Malaclone était un liquide. Et Malaclone était un liquide. Non, non, non. Si tu étais un liquide... Il y a... Je sais pas, il y a des trucs avec des bulles qui me sont venues. Ben, du Perrier. Non, je pense à du cidre plutôt, parce que okay. C'est un petit peu d'alcool, mais pas trop. OK, cidre de pomme? Bien sûr. OK, non, mais ça peut être n'importe quel cidre. Ben non, cidre de pomme, bien okay, sûr. OK, cidre de pomme, ben oui, excuse-moi. Si tu étais une ville... Une quoi, une ville? Oui. Ça prend du temps encore. Non, mais c'est normal. Faux. C'est bon, c'est? C'est con, c'est Montréal qui m'est venu, mais je sais pas si c'est à cause de l'accent que j'entends. Ouais, c'est trop facile. Non, ouais. Si j'étais c'est pour être flatteur. Je sais pas. Berlin, j'aimerais bien. Pour la création, c'est merveilleux, Berlin. C'est là que ça se passe encore aujourd'hui. C'est une ville remplie de création. Oui, oui, sûrement. Et ouais. D'arbres aussi. OK, t'as jamais visité Berlin? Il y a très longtemps. OK. Alors que c'était juste après la chute du mur. Donc OK, ça moi, c'est en 89. Non, moi, c'est en 93. Alors. Ah, OK, bon, voilà. Attends, on s'est croisés. Ah, t'es vu, oui. Ah, c'est toi qui passais. Gagné via le courriel au reynaldquebec@hotmail.com ou vous joindre à son réseau social Facebook en tapant Reynald Gagné ou Errance Reynaldienne. Chers amis, si je vous ai bien compris,